Chapitre 42e, la pilule. Mais à ce moment, Paula Broca ne pensait nullement à courir après qui que ce fût. Devant Fungetti, le détective et les magistrats achevaient les perquisitions quand tout à coup on vit Paula Broca pâlir effroyablement. Son front se couvrit immédiatement de sueur, le long de ses tempes l'eau ruissela. « Emmenez cet homme !» commanda-t-il vivement. « Emmenez-le, vite, vite !» Fungetti avait aperçu le commencement du malaise du détective. Il eut dans les yeux un éclair de triomphe, et pendant que les hommes de Paulin Broquet l'emmenaient, il cria d'un ton railleur « Au revoir, illustre Paulin Broquet, portez-vous bien !» Le détective semblait de plus en plus malade. Il tremblait sur ses jambes, ses mains étaient agitées de frissons. Il manqua de tomber et de s'accrocher à l'amorce, entrée depuis peu, pour ne pas s'écrouler à terre. Le juge d'instruction et le chef de la sûreté, alarmés, s'empressèrent autour du détective qui essayait de les rassurer. Une indigestion de macaroni, disait-il. Empoisonné ! S'écria-t-il. Vous êtes empoisonné par ce misérable ! Paulin Broquet eut l'énergie de répondre en souriant. Rassurez-vous, plus vous me verrez malade, mieux ça ira pour moi. Il ajouta. Pour moi et pour les autres convives de ce festin infernal. La mort s'était sans doute au courant du malaise qu'éprouvait son chef et savait quel remède il convenait d'appliquer, car il se chargea de le soigner. Le médecin que Gabriel avait amené à tout hasard se contenta de faire à Paulin Broquet une injonction de caféine. Et il s'en alla offrir ses soins à Miss Eden et à Eugenio, qui certainement, dans la villa mystérieuse, devaient éprouver le même malaise. « Ne nous effrayons pas, » dit le détective. « Je sais de quelle manière Fungetti voulait se débarrasser de nous, et je vois que nous en échapperons tous. Nous en sommes quittes pour une forte indigestion. » Paulin Broquet avait en effet pris toutes ses dispositions pour échapper à une tentative de ce singulier amphitryon. Ce n'était pas par un pur hasard que, pour se rendre chez Fungetti, Miss Eden et lui se rencontrèrent dans le bureau du régisseur du cirque moderne. Paulin Broquet avait donné rendez-vous chez Eugenio à Miss Ida. En arrivant au cirque, Paulin Broquet, après s'être bien assuré que personne ne pouvait entendre ce qui se dirait dans le bureau du régisseur, dit à ses amis « Nous allons faire un bon déjeuner, manger sans doute beaucoup plus que nous n'en avons l'habitude. » Eh bien, nous allons prendre nos précautions contre la fâcheuse indigestion. Il ouvrit une boîte ronde de pharmacien et la présentant à Miss Eden. Veuillez, Miss Ida, prendre une de ces pilules et l'avaler. Il fit de même à Eugenio, mais le régisseur, plus méfiant, affirma qu'il avait un estomac merveilleux et qu'il ne lui était nullement nécessaire de prendre une pilule. Je suis homme à dévorer non pas seulement tout le macaroni royal de Fungetti, mais même le plat. Raison de plus. Miss Eden fit envoler le dernier scrupule de son régisseur. « Allons, mon cher Eugenio. Monsieur Paulin Broquet n'a nullement l'intention de vous empoisonner. Plus d'hésitation, faites donc comme moi. » Elle mit gentiment comme une pastille la pilule dans sa bouche et l'avala. Eugenio en fit autant, et Paulin Broquet avala la sienne en disant « En tout cas, si nous mourons, nous aurons cette consolation de mourir ensemble. » En réalité, ce que Paulin Broquet avait fait prendre, et qu'il eut, lui aussi, la précaution d'absorber avant d'aller déjeuner chez Fungetti, était tout bonnement un vomitif dont l'action, d'une énergie puissante, ne se produisait toutefois que quelques heures après l'ingestion. Ainsi, il devenait possible aux convives du clown de goûter à tous les mets qu'on leur servirait, sans courir aucun risque, car au moment où la digestion commencerait à se faire, le vomitif produirait son action et détruirait l'effet de toute matière nuisible qui aurait été absorbée. Paulin Broquet avait la certitude que Fungetti voulait l'empoisonner. Il savait que ce bandit admirable faisait partie de la bande des Z et que c'était un homme de Zygomar. Maintenant, en outre, il savait que Fungetti, adorant Flore, tenu par cette femme, rival et ennemi mortel de Miss Eden, devait travailler à la vengeance implacable de la femme rousse aux cheveux teints. À son avis, on compterait après ce festin deux victimes, Miss Eden et lui, et par contre-coup, les autres convives. Toutefois, Paulin Broquet ignorait quel genre de poison Fungetti allait leur faire prendre et dans quoi il pouvait sceller ses poisons. Dans l'impossibilité de se préserver contre un seul des mets ou des vins, le mieux était de se garantir contre tout leur pas, et l'indigestion violente qui ferait restituer tout le déjeuner était le meilleur des remèdes. Fungetti avait bien insisté sur son macaroni, mais rien ne disait que ce fût le plat perfide. Au contraire, ce pouvait être le seul inoffensif. À vrai dire, l'objection se présenta d'elle-même au premier moment, et l'amorce ne manqua pas de la faire quand son chef lui donna ses instructions pour ce qui devait se passer après ce déjeuner tragique. « Mais chef, dit-il, puisque vous savez que Fungetti veut vous empoisonner, pourquoi allez-vous déjeuner chez lui? N'y allez donc pas !» À quoi Paulin Broquet répondit « Évidemment, ce serait le plus simple. Seulement il vaut mieux, et pour beaucoup de raisons, que j'y aille, tout en prenant des précautions. Tu vas comprendre. » Il ajouta « D'abord, Fungetti, qui a reçu des aides du grand Zigomar, la mission de se débarrasser de moi de cette façon, a tout préparé pour cela. Il ne se doute pas naturellement que j'ai vu son jeu, que je l'ai deviné. Pas une seconde, il ne pensera que je suis sur mes gardes. Je connais donc son plan, ses armes. Or, mon garçon, quand on connaît cela, l'ennemi est déjà à demi vaincu. C'est vrai, chef. Bon, connaissant le projet de Fungetti, je peux le combattre. Mais si je n'allais pas à ce repas, ceci est dès maintenant impossible, puisque c'est moi qui, en somme, ai eu l'idée de ce banquet. Si je n'y allais pas, je me retrouverais plongé dans l'inconnu, dans les suppositions, et me verrais sans défense contre une attaque imprévue. Très juste. De plus, l'ennemi de Miss Eden, la femme aux cheveux teints de la place de Clichy, celle que Miss Eden a si cavalièrement marquée au visage d'un coup de cravache, a juré sa perte. Elle a pour exécuteur de ses infâmes desseins ce misérable de Fungetti, qui fut son martyr, dont elle a fait le bandit qu'il est, qui est toujours un jouet dans sa main. Je suppose que Fungetti va faire d'une pierre deux coups à ce repas. C'est probable, en effet. Donc, renonçant au déjeuner, Miss Eden, prévenue, s'excusant aussi, la voilà de nouveau sous la menace d'une vengeance que nous ne supposons pas. De plus, chose précieuse, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je pourrais mettre Fungetti en état d'arrestation, puisque, ce que je n'aurais peut-être pas ailleurs, il me fournira lui-même les preuves de sa culpabilité. Chef, j'ai compris. Bon. Ainsi, il vaut mieux pour nous aller au combat, en sachant qui est l'adversaire et comment il va nous combattre. C'est pour cela que nous irons déjeuner chez Fungetti, en sachant qu'il va nous empoisonner. Mais nous aurons pris nos précautions, et il faudrait que le diable s'en mêle, pour que le triomphe des canailles, une fois encore, fût proclamé. Le diable ne s'en mêla heureusement pas. Chez elle, Miss Eden éprouva les mêmes symptômes que Paulin Broquet dans l'appartement de Fungetti. Et Eugenio fut malade, lui aussi, et ne se vit rassuré que quand le docteur, envoyé par le détective, lui prodigua des soins. Dès lors, tout se passa comme il convenait. Après l'heure d'affre épouvantable qu'occasionne une digestion, surtout quand elle est aussi violente que celle provoquée par les pilules du détective, tout redevint calme, et les empoisonnés, maintenant absolument sauvés, reprirent le cours de leur vie normale. De son côté, Paulin Broquet, après avoir chez Fungetti beaucoup souffert, une fois complètement rétabli, quitta la maison tragique. Il se rendit à la sûreté, où son chef et le juge d'instruction l'attendaient pour qu'il leur donnât un complément de renseignement sur cette étrange affaire. Dans le cabinet de M. Baumier se trouvait, dans un légumier, ce qui sur la table restait du plat de macaroni qui n'avait pas été achevé, ce qui fut ramassé dans l'assiette de Miss Eden, de Paulin Broquet, des autres convives. Simon et Lamorce avaient eu soin, selon les instructions de leur chef, de recueillir très précieusement ces restes et de les emporter avec soin comme pièce à conviction de la plus grande importance. À Lamorce, le détective, ne pouvant encore bouger, avait dit « Tu prendras la moitié de ces macaronis accommodés à la Fungetti et tu les mettras dans un bol. Tu feras mariner cette moitié dans de l'eau acidulée avec du vinaigre et tu m'attendras, défendant absolument à quiconque d'y toucher. » Donc, sur le bureau du chef de la sûreté, Lamorce avait déposé le restant du plat de macaroni enfermé dans un légumier dont le couvercle était solidement ficelé et un grand bol recouvert d'un papier fort également retenu par un lien. Lamorce était érigé gardien de ces pièces et avec l'assentiment de M. Baumier, il attendait la venue de Paulin Broquet. De temps en temps, Gabriel lui envoyait, par le téléphone, des nouvelles de l'indigestion du chef. Quand Paulin Broquet, se trouvant suffisamment rétabli, fit annoncer qu'il arrivait, le juge d'instruction, aussitôt prévenu par M. Baumier, se rendit dans le bureau du chef de la sûreté pour écouter les explications, interrompues par le malaise soudain du détective et renvoyées à une heure plus tardive. « Eh bien ?» lui demandèrent les magistrats, en voyant entrer Paulin Broquet encore pâle et fatigué. « Comment vous trouvez-vous? Tout danger a-t-il passé ?»« Je crois pouvoir affirmer, » répondit le détective, que tout danger en effet est écarté, tout au moins pour moi. Et les autres convives? Ma pipe doit nous donner par téléphone des nouvelles de Miss Eden et de ce brave génio. Je sais que Simon n'a plus rien. Le téléphone à ce moment résonna. Ma pipe annonçait que tout s'était bien passé à la Villa Mystérieuse comme il avait été prévu. Miss Eden et Eugenio, après avoir été malades, maintenant riaient de leur douleur éteinte, de leurs angoisses passées. « Alors c'est parfait, » dit Paulin Broquet. « Ils vous doivent un joli remerciement, » déclara le chef de la sûreté. « Sans vous, sans vos précautions, en un mot, sans votre pilule, c'était des gens condamnés à mort. Absolument. » Et Paulin Broquet loyalement ajouta « Maintenant que tout est fini, et bien fini, je respire. J'avoue que je viens de passer une heure terrible, angoissante, épouvantable. J'ai joué en somme avec la vie de Miss Eden, de ce bon Eugenio, de Simon, sans en avoir le droit. Je n'avais pas le droit. Pour établir la culpabilité de cet homme, jusqu'ici imprenable, pour vous fournir à vous, monsieur le juge, la preuve de son crime, je n'avais pas le droit de risquer la vie de cette femme, de ces braves gens. Le sacrifice de la mienne eût suffi, peut-être. Enfin, messieurs, admettons une seconde cette chose effroyable, que ma pilule n'ait pas produit tout l'effet qu'on attendait d'elle. Je contribuais à l'assassinat de ces malheureux, je favorisais le dessein de ce bandit. Et pour servir la justice, je me faisais le complice d'un assassin. » Puis, faisant un geste comme pour chasser ses terreurs rétrospectives et importunes, il ajouta « Mais enfin, tout s'est bien passé. Ne pensons plus au malheur qui serait advenu si j'avais échoué. Mon plan a réussi. » Et à son habitude, en toutes circonstances graves, il roula une cigarette et l'alluma. Puis il reprit « Il me reste, monsieur le juge, à vous démontrer, et à vous également, monsieur le chef de la sûreté, quel était le genre de mort que ce Forban nous préparait. L'empoisonnement, nous avez-vous dit ? » fit M. Baumier. « Non, mieux que cela. » Paulin Broquet tira de sa poche les chevaux, le petit paquet de grains de Florence, et il dit « Voilà !» Le juge d'instruction, M. Urbain, s'écria étonné « Ça, mais c'est du crin pour la pêche !»« Oui, en effet, monsieur le juge, c'est bien du crin pour la pêche. C'est même du très beau crin, de première qualité. Je sais, monsieur le juge, que vous êtes un grand amateur de pêche. Vous vous y connaissez en crin de Florence, d'Espagne et en crin japonais. Ma démonstration sera donc des plus faciles. » « Je vous écoute, mon cher Broquet, avec curiosité, car tout bon pêcheur que je sois, je ne vois pas encore comment on peut tuer des convives avec des crins de Florence, à moins que sous l'appât du macaroni, vous ne guettinez mis un gros hameçon. C'est bien plus simple que cela. Veuillez seulement me prêter 2 minutes d'attention. » Paulin Broquet souleva alors le couvercle du légumier. « Voilà le macaroni que nous mangions. Il est froid maintenant, mais encore appétissant. En effet, il sent même très bon. Oh, il y avait tout ce qui constitue le bon macaroni. Tomates, jambon, champignons, fromage, c'était parfait. Vous voyez, il est admirablement cuit, transparent, il conserve cependant sa forme, il se détache bien. Cela ne ressemble en rien à cette platée flasque, gélatineuse, gluante, que l'on appelle en France macaroni à l'italienne, et qui ferait fuir le chien le plus affamé du dernier des Lazzaroni de Naples. » Paulin Broquet ajouta « Je ne vais pas, monsieur le juge, vous demander de goûter à ce plat tentateur. Il est trop froid. Et permettez-moi, c'est à peu près, il vous en cuirait trop. Je n'ai plus en effet de pilule à vous offrir. Or, une simple bouchée de ce macaroni royal suffirait à vous tuer. Et là, je vous prie, vous aussi, monsieur le chef de la sûreté, d'en prendre cependant un peu dans vos doigts. C'est sans danger. Roulez les macaronis, tripatouillez-les, avec l'assaisonnement, triturez-les bien. » Les magistrats, très intrigués, firent comme le disait Paulin Broquet. « Bon, c'est cela, » fit le détective. « Vous ne sentez rien ?»« Comment sentir ?» demanda M. Urbain. « Sous les doigts. Vous ne sentez rien ? Ni gravier, ni picotement, rien qui vous signale un corps étranger, comme du verre pilé, par exemple ?»« Non, » répondirent les magistrats. « Très bien, » dit Paulin Broquet. « Cela vous montre avec quel art ce plat mortel a été préparé. Car vous roulez sous vos doigts ce qui devait nous donner la mort, et vous ne sentez rien. Et à la vue, à l'odorat, au goûter, au toucher, vous ne pouvez rien percevoir, rien deviner. » Il dit alors « Maintenant, remettez dans le légumier ce macaroni et prenez de celui-ci. »